I said that. J'ai dit que. J'ai dit que. He succeeded in. Il a réussi à. Il a réussi à. Because he has a lot. Parce qu'il a beaucoup. Parce qu'il a beaucoup. What I'm talking about. Dont je parle. Dont je parle. I'm afraid when. J'ai peur quand. J'ai peur quand. What does that mean? Que veut dire ça? Que veut dire ça? How do you say? Comment dit-on? Comment dit-on? How do you write it? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Where is? Où se trouve? Où se trouve? I would like to buy. Je voudrais acheter. Je voudrais acheter. How much is it? C'est combien? C'est combien? Where are the? Où sont les? Où sont les? Often. Souvent. Souvent. At what time must I? À quelle heure est-ce qu'il faut? À quelle heure est-ce qu'il faut? I cannot. Je ne peux pas. Je ne peux pas. What is your job? Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme travail? You're welcome. De rien. De rien. There's no. Il n'y a pas. Il n'y a pas. I am sorry. Je suis désolé. Je suis désolé. Can you speak more slowly? Pouvez-vous parler plus lentement? Pouvez-vous parler plus lentement? Can you? Pouvez-vous? Pouvez-vous? Can you repeat it? Pouvez-vous le répéter? Pouvez-vous le répéter? Can you help me? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Try to help. Essayez d'aider. Essayez d'aider. I do not understand. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. I did not understand. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? I do not feel. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. I want to. J'ai envie de. J'ai envie de. Where do you come from? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Perhaps. Peut-être. All the time. Tout le temps. Tout le temps. I want to. Je veux. Je veux. We want to go to. Nous voulons aller à. Nous voulons aller à. We want to go to. On veut aller à. On veut aller à. What will the weather be like today? Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Is it going to be? Va-t-il être? Va-t-il être? Where do you live? Où habitez-vous? Où habitez-vous? What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? It does not matter. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? I have no idea. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. I am thirsty. J'ai soif. J'ai soif. I am bored. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Do not worry. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Do not worry. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. It does not matter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. I forgot to. J'ai oublié. J'ai oublié. I have to go. Je dois y aller. Je dois y aller. Bless you. À tes souhaits. À tes souhaits. Not much. Pas grand-chose. Pas grand-chose. May I? Puis-je-vous? Puis-je-vous? Come with me. Viens avec moi. Viens avec moi.